بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Aujourd'hui, le mercredi 19 Rajab 1442 de l'Hégire, correspondant au 3 mars 2021. Nous nous retrouvons dans cette soirée pour poursuivre ensemble, bi'idhnillahi ta'ala, l'étude du livre d'Ibn Jama' al-Kinani qui s'intitule Tadhkiratu al-Sami'i wal-Mutakallim fi Adabi al-Alimi wal-Muta'allim. Ibn Jama' qui est décédé en l'an 733 de l'Hégire. On a terminé dans le cours précédent de parler des règles de bienséance concernant l'homme de science avec son cours. Et cette soirée, nous allons commencer à parler du troisième chapitre, ou plutôt du troisième sous-chapitre dans ce deuxième chapitre qui concerne le savant, le troisième point qu'il a cité dans ce troisième sous-chapitre, dans lequel il parlera des règles de politesse concernant le savant avec ses étudiants de manière générale et en particulier avec ses étudiants pendant le cours. Il a dit al-fasl al-thalith fi adab al-alim ma'a talabatihi fi adab al-alim ma'a talabatihi mutlaqa wa fi halaqatihi. Donc il va citer 14 adab qui concernent le savant avec ses étudiants de manière générale et en particulier pendant les assises de sciences. Le premier avec lequel a commencé, qui est sans aucun doute le plus important. Il a dit al-awwalu an yaqsid bi ta'limihim wa tahdhibihim wajha Allah ta'ala wa nashr al-ilmi wa ihya al-shar'i wa dawam dhuhur al-haqq wa khumul al-batili ودوام خير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم وبركة دعائهم له وترحمهم عليه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجة المؤمنين. تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. انتهى كلامه. Donc le premier adab avec lequel il a commencé, qui est le plus important pour l'homme de science avec ses étudiants, c'est de vouloir, avec l'enseignement qu'il leur dispense et l'éducation qu'il leur donne, de vouloir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de vouloir l'agrément d'Allah, la sincérité, et de vouloir par cette adoration de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première des choses qui est la plus importante. C'est la sincérité dans ce travail. Et ensuite, il a cité d'autres intentions que l'homme de science puisse avoir pour augmenter sa récompense avec ses élèves. Il a cité au total 11 bonnes intentions. 11 bonnes intentions. La première, c'est la sincérité, de vouloir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'enseignement qu'il dispense et avec l'éducation qu'il donne. Deuxièmement, de vouloir propager la science. Troisièmement, revivifier la législation. Quatrièmement, faire apparaître la vérité et la faire triompher et l'élever et faire disparaître le faux. Ça, c'est le quatrième et le cinquième. Le sixième, il a dit, et que le bien soit toujours dominant dans cette communauté. Et que le bien soit toujours dominant et prépondérant dans cette communauté, en multipliant le nombre de ses savants. Donc, quand il donne des cours, il met comme intention de faire sortir des savants pour la Ummah. Et plus il y a d'hommes de science, parmi Al-Sunnah al-Jama'a, bien évidemment, plus il y aura de bien dans cette communauté. Plus il y aura de bien dans cette communauté. Et ceci est tiré d'un hadith dans lequel Nabi alayhi sallam a dit, il ne viendra pas une époque sans que celle qui la suit soit pire. Et qu'elle soit plus mauvaise que celle qui l'a précédée. Il ne viendra pas une époque sans que celle qui la suive soit pire. Et Abdullah ibn Mas'ud, un des rapporteurs de ce hadith, il disait que la signification, c'est la disparition des savants. Donc, le mal se propagera parce que le nombre de savants va diminuer. C'est pour ça qu'il a dit, Ibn Jama'a, rahimahullah, cette déduction, qu'il met l'intention d'augmenter le nombre de savants avec les cours qu'il donne. Et ainsi, le bien augmentera dans cette communauté. Et aussi de vouloir la récompense de leur enseignement et de vouloir la récompense de tous ceux à qui parviendra sa science par l'intermédiaire de ses élèves et de vouloir bénéficier de leurs invocations et de leur demande de la miséricorde d'Allah à sa faveur, et de vouloir rentrer dans la série des savants qui transmettent la religion et de rentrer dans la chaîne de transmission de la science qui a commencé avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ses élèves, et que lui rentre. Donc il rentre dans cette chaîne de transmission de la science et qu'il soit compté parmi ceux qui transmettent la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ces deux catégories, le Coran et la Sunna, et les jugements d'Allah. Et ensuite il a dit, car enseigner l'ilm fait partie des choses les plus importantes dans notre religion et des degrés les plus élevés des croyants. Enseigner la science, c'est parmi les choses les plus importantes dans notre religion. Et c'est ce qui permet d'arriver aux degrés les plus élevés pour les croyants. Et ensuite, il a cité ce hadith, il a dit, « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. » Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, dans le sens de ce hadith, il a dit, Allah et ses anges, ainsi que les gens des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans son nid, ou dans sa fourmilière, tous, ils prient, يعني salat venant d'Allah, c'est les éloges auprès de ses anges. Et la salat venant des créatures, en faveur d'une autre créature, comme vous savez, c'est les invocations. Donc on ne peut pas traduire yusallun de la même manière. Vis-à-vis d'Allah, Allah, quand il fait salat sur un serviteur, il fait ses éloges auprès de ses anges. Et quand les anges et les gens des cieux et de la terre font salat sur un croyant, ils font des invocations en sa faveur. Donc ils font Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges et les gens des cieux et de la terre jusqu'à la fourmi dans son nid, tous, pour Allah, il fait les éloges et pour les autres, ils font les invocations en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. De celui qui enseigne le bien aux gens. L'amri, ma hada illa mansibun jasim. L'amri, ma hada illa mansibun jamil jasim. Wa inna naylahu la fawzun azim. Allahu akbar. Il a dit, et après il y a une divergence entre les savants, est-ce que l'amri, c'est une forme de serment? Quand on dit l'amri, est-ce qu'il a juré ou pas? En tout cas, c'est une expression utilisée. Et ce qui est voulu ici, c'est qu'il a dit, ce statut qui vient d'être cité dans ce hadith, sans aucun doute, c'est un statut immense et son obtention est une grande réussite. Arriver à ce degré que toutes ces créatures font des invocations en ta faveur, y compris la fourmi dans sa fourmilière, et Allah subhanahu wa ta'ala fait tes éloges, sans aucun doute, ceci est un statut extrêmement élevé. Et arriver à ce statut est une grande réussite pour la créature. Donc ce hadith que j'ai cité, on l'a vu précédemment, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Ensuite, il a dit « Na'udhu billahi min qawati'ihi wa mukaddiratih » وموجبات حرمانه وفواته. Ensuite, il a cherché refuge auprès d'Allah contre toute chose qui puisse empêcher et faire obstacle d'arriver à ce qui a été cité. Et il a cherché refuge auprès d'Allah contre toutes les choses également qui peuvent être la cause d'être privé et de louper ce grand statut, qui est le statut de l'enseignant du bien, l'enseignement du bien aux gens. Il a cherché refuge auprès d'Allah contre toute chose qui puisse empêcher d'arriver à ce rang extrêmement honorable et extrêmement élevé. Ensuite, il est passé au deuxième adab. Il a dit « Al-Thani, Alla yamtani'a min ta'lim al-talibi li'adami khulusi niyatihi » فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم. Donc après avoir parlé de la sincérité et de son importance dans la demande de science et dans la propagation de la science, dans la demande de science, avant ça va venir quand on va parler des règles concernant at-tullab. Mais il a parlé de la sincérité et de son importance. Là, il va aborder un autre point concernant la sincérité. Il a dit, le savant ne doit pas s'empêcher et se refuser à donner la science à un étudiant parce qu'il voit en lui un manque de sincérité. Il voit des indices qui montrent que cet étudiant n'est pas sincère comme il faut. Il a une faiblesse dans la sincérité. Il ne doit pas se refuser à lui donner la science quand même, car la bonne intention est espérée avec la baraka de la science, la bénédiction de la science. Quand tu apprends, il y a de fortes chances que tu arrives à la sincérité, avec la science. La science t'en a besoin pour être sincère. La science t'en a besoin pour être dans la conformité à la sunna. La science t'en a besoin dans toutes tes adorations. Avant, pendant et après, pour préserver l'adoration. Et ensuite, il a rapporté des paroles de Salaf dans ce sens qu'il a cité. Il a dit, parmi eux, on dit, طَلَبْنَا الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَأَبَا أَنْ يَكُونَ إِلَّا لِلَّهِ قِيلَ مَعْنَاهِ فَكَانَ عَاقِبَتَهُ أَنْصَارَ لِلَّهِ وَلِأَنَّ إِخْلَاصَ النِّيَّةِ لَوْ شُرْطَ فِي تَعْلِيمِ الْمُبْتَدِئِينَ فِيهِ مَا عُسْرِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْهُمْ لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى تَفْوِيتِ الْعِلْمِ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَكِنَّ الشَّيْخَ يُحَرِّضُ الْمُبْتَدِئَ عَلَى حُسْنِ النِّيَّةِ بِتَدْرِيجٍ قَوْلًا وَفِعْلًا. Donc, dans cette parole de Salaf, ils ont dit, nous avons demandé la science pour autre qu'Allah. Et elle a fini pour être pour Allah. Elle a fini pour être pour Allah. Je me rappelle une fois, un frère a eu une remarque par rapport à cette parole. Et si je me rappelle, ça l'avait choqué. Comment, yani, un homme parmi les hommes de science, il dit qu'il a demandé la science pour autre qu'Allah. Il a compris, ce frère, que peut-être il est tombé dans le shirk. Et je lui avais expliqué que c'est pas ça qui est voulu. Ces savants, déjà, pourquoi ils parlent de ça? Faut savoir que Salaf, ils ne parlent pas de ces sujets de manière générale. Mais pourquoi ils vont aborder ce sujet? C'est pour éduquer leurs élèves. C'est pour éduquer leurs élèves. Donc, pour leur apprendre l'importance de la sincérité. Et pour leur montrer yani, l'importance d'œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, ces salafs, yani, de qui ça a été rapporté, il faut savoir que quand ils disent nous avons demandé la science pour Allah, pour autre qu'Allah, ça ne veut pas dire de manière générale qu'ils l'ont demandé pour le statut ou pour l'estime. Mais ils l'ont demandé par amour à la science elle-même. Par amour à la science elle-même. Et ensuite, en avançant dans l'apprentissage, ils sont arrivés à un degré élevé dans la sincérité où cette demande de science est devenue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous savez, dans notre vie, on peut avoir affaire à des phénomènes similaires. Tu fais une chose parce que tu l'aimes. Et ça, en réalité, ça ne te fait pas sortir totalement de la sincérité. Mais tu ne seras pas comme quelqu'un qui demande la science uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et avec les intentions qui ont été cités précédemment, comme propager la religion, revivifier la sunna, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est voulu. C'est ça qui est voulu de manière générale, parce que cette parole a été rapportée de certains grands imams dans la sunna, tels que l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. Et on ne s'imagine pas d'eux qu'ils ont demandé la science pour avoir l'estime ou le statut, ou dunya, ou trouver un poste comme aujourd'hui. Combien d'étudiants aujourd'hui, ils rentrent dans une université dans laquelle ils demandent la science de la religion, mais son objectif, c'est d'avoir un poste, d'avoir un diplôme qui lui permet d'accéder à une fonction, malheureusement. Mais eux, quand ils disaient ça, premièrement, c'est pour éduquer leurs élèves et leur apprendre à toujours accuser sa propre personne et toujours penser du mal d'eux-mêmes. Et ça, plus on évolue dans le degré de tawhid, plus on devient ainsi. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin, plus on monte dans les degrés de tawhid, plus on va penser du mal de nous-mêmes et du bien des autres. Et si vous regardez autour de vous, vous allez constater l'inverse. Ça démontre que notre tawhid est faible. On pense énormément de bien de nous-mêmes et on pense énormément de mal des autres. Le croyant, plus son tawhid augmente, plus il pense du mal de lui-même. Au point où Omar ibn al-Khattab, il dit, si on me dit qu'il n'y a qu'un seul homme qui ira en enfer, je dirais c'est Omar. Au point où Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il va demander à Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, est-ce que mon nom figure sur la liste des hypocrites? Comme je dis toujours, c'est pas pour faire semblant, c'est pas pour faire style. Ces hommes, ils sont arrivés à un degré dans la foi où ils pensent énormément de mal d'eux. L'un d'entre eux, pendant le jour de Arafat, pendant l'invocation, avec dévotion et les larmes aux yeux, il dit, si je n'étais pas parmi eux, parmi ces gens qui ont assisté à ce jour de Arafat, Allah je crains qu'Allah ne leur pardonne pas à cause de moi. Je crains qu'Allah ne leur pardonne pas à cause de moi. C'est-à-dire, il se voit la pire des personnes ce jour-là. Et peut-être que cette personne, c'est la meilleure des personnes auprès d'Allah. Wallah al-musta'an. Tayyib. Ensuite, Ibn Jama'a, rahimahullah, dit, il a expliqué cette parole, il a dit la signification que c'est que la science est devenue pour Allah. Et sa finalité est qu'elle est devenue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car la sincérité, si elle était exigée dès le début de la science, de la demande de science, pour les débutants dans la science, alors que ceci est difficile pour beaucoup parmi ceux qui demandent la science et qui sont débutants, ça aurait conduit au délaissement de la science pour beaucoup de gens. Mais le savant doit inciter les débutants à avoir la bonne intention d'une manière graduelle avec ses paroles et avec ses actes. Avec ses actes, avec ses paroles, c'est comme ce que on a cité de Salaf. Là, c'est une incitation à la sincérité. Nous avons demandé cette science pour autre qu'Allah. Et avec ses actes, il voit de lui la sincérité. Yani la sincérité, bien évidemment, c'est quelque chose dans le cœur. Mais il voit les signes de la sincérité sur lui. Il ne donne pas la science pour dunya. Et il voit la modestie. Et il voit la mise en pratique de la science sur lui. Tout ça, c'est des signes de la sincérité. Et ensuite, il lui enseigne, وَيُعَلِّمُهُ بَعْدَ أُنْسِهِ بِهِ أَنَّهُ بِبَرَكَةِ حُسْنِ النِّيَّةِ يَنَالُ الرُّتْبَةَ الْعَلِيَّةِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَفَيْضِ اللَّطَائِفِ وَأَنْوَاعِ الْحِكَمِ وَتَنْوِيرِ الْقَلْبِ وَانْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَتَوْفِيقِ الْعَزْمِ وَإِصَابَةِ الْحَقِّ وَحُسْنِ الْحَالِ وَالتَّسْدِيدِ فِي الْمَقَالِ وَعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et ensuite, il enseigne à son élève, après un moment dans l'apprentissage, il lui enseigne par la suite également qu'avec la bonne intention dans la demande de science, il arrivera au degré élevé dans la science et dans la mise en pratique. Et ça sera une cause de l'ouverture des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, des portes des bienfaits d'Allah pour lui. Et il recevra les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui accordera la sagesse. Et ça sera une cause avec laquelle sera illuminé son cœur sera éclairé avec cette sincérité. Et ça sera une cause de la largesse de son cœur. Et également une cause pour l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'assistera en lui donnant une intention ferme et une grande volonté dans sa demande de science. Et il sera également assisté en ayant les avis justes dans ses choix. scientifique. Et il sera dans les meilleurs des états. Et il lui sera accordé dans ses paroles l'exactitude et la justesse. Il aura des paroles justes et exactes. Et ça sera la cause de l'élévation de ses degrés le jour du jugement dernier. Le troisième adab. أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر أوقات في أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والآثار والأشعار. Le troisième adab qui a été cité ici, c'est d'inciter son élève à demander la science dans la plupart de son temps et d'occuper son temps avec la demande de science tout en lui rappelant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les hommes de science comme degré élevé et noble, et qu'ils sont les héritiers des prophètes, et que le jour du jugement dernier, ils seront sur des bancs de lumière, et ils seront enviés par les prophètes et les martyrs. Le hadith, par rapport à ce point, qu'ils seront enviés par les prophètes et les martyrs, est un hadith très faible. Mais celui qui a précédé, qui sont les héritiers des savants, ceci est rapporté dans des hadiths authentiques. Également, les autres mérites qui ont été rapportés par rapport à la science et aux hommes de science dans les versets coraniques ou dans les hadiths prophétiques et les paroles de salaf et les poèmes qui parle de ce sujet. Minhaj Nubuwa, ça signifie la voix de la prophétie. La voix de la prophétie. ويرغبه مع ذلك في بتدريج على ما يعين على تحصيله من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب بالتعلق بها وغلبة الفكر وتفريق الهم بسببها فإن انصراف القلب عن تعلق الأطماع بالدنيا والإكثار منها والتأسف على فائتها أجمع لقلبه وأروح لسره وأشرف لنفسه وأعلى لمكانته وأقل لحساده وأجدر لحفظ العلم وازدياده. Il a dit, il doit l'inciter également d'une manière graduelle, petit à petit, l'inciter à tout ce qui l'aide dans sa demande de science. Et regardez par quoi il commence. Les choses qui aident l'étudiant en sciences religieuses dans sa demande de science. Il a commencé par la première, il a dit, al-iqtisar wa al-maysur wa qadru al-kifayati min ad-dunya wa al-qana'ati bidhalik. Allahu Akbar. Le fait de se limiter à ce qui est facile à avoir de cette dunya et de se contenter de ce qui lui suffit de dunya et de ne pas chercher à augmenter ses richesses, de se limiter au rizq qu'il arrive à avoir le plus facilement possible et qui lui suffit. Et dès qu'il a sa suffisance, il se limite à cela. Vous savez tous que Cheikh Al-Albani rahimahullah était un horloger. Il a hérité ce métier de son père. Également, la boutique avait son père dans laquelle il réparait des montres. Et Cheikh Rahimallah, il avait des livres dans son lieu de travail. Et il travaillait dès qu'il avait de quoi faire face aux besoins de sa famille pour une journée, il fermait la boutique il restait à l'intérieur pour lire et pour apprendre. Rahimahullah. Donc, ça, c'est quelque chose d'indispensable pour Talib al-Ilm, qui espère briller dans la science et arriver à des degrés dans la science. Il doit se limiter de cette dunya à ce qui lui suffit et chercher un moyen de gagner sa vie le plus facile possible pour ne pas gaspiller son énergie et ses efforts dans la demande de subsistance. Mais il y a un minimum qui est indispensable pour lui. Sinon, il va demander aux gens. Et il vaut mieux aller travailler que de demander aux gens. Il vaut mieux aller travailler, même si on diminue le temps consacré à la science, que de demander aux gens pour consacrer soi-disant plus de temps à la demande de science. Demander, yani, ça doit pas arriver pour Talib al-Ilm. Mais si quelque chose lui vient sans demande, comme le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit à notre mère Aïcha radiallahu anha, c'est un rizq qu'Allah lui a octroyé. Rizqun saqahu Allahu ilayki. Mais qu'il demande aux gens de l'aider sous prétexte qu'il demande la science, wallahi qu'il aille travailler mieux pour lui que de demander la science. Qu'il aille travailler est meilleur pour lui que de demander la science. Ou consacrer moins de temps à la demande de science pour arriver à faire face à ses besoins et subvenir à ceux qui sont sous sa charge. Mais il commence avec le conseil que Ibn Jama'a a donné. C'est de diminuer ses besoins de cette dunya. Quelqu'un qui a envie de manger, yani, les meilleurs des plats, les meilleurs des desserts, et le ventre tout le temps rempli, bien évidemment, celui-là, il aura besoin de travailler beaucoup. Contrairement à quelqu'un qui diminue ses besoins de dunya. Celui-là, il aura besoin de travailler beaucoup moins. Comme c'est rapporté d'un salaf, il a dit, par Allah, si je n'avais pas peur que les gens pensent du mal de moi, si je travaille pas, je n'aurais pas travaillé. Car c'était un homme qui pouvait vivre avec très très peu. Et il a cité une somme avec laquelle il peut vivre. C'est quelqu'un qui a diminué énormément ses besoins de dunya. Vous savez, il y a des savants, ils mangeaient des miettes de pain avec un verre d'eau. Il reprend la demande de science. Donc il commence par diminuer ses besoins de cette dunya et après il travaille pour avoir de quoi subvenir à ses besoins. Il s'éloigne d'une manière absolue de toute demande aux gens. Il s'éloigne de cela s'il veut qu'Allah lui mette de la baraka dans ce qu'il apprend et dans sa mise en pratique. Et ensuite il a dit وَالْقَنَاعَةِ بِذَلِكَ عَنْ شَغْلِ الْقَلْبِ بِالتَّعَلُّقِ بِهَا. Et se suffire de ce peu qu'il arrive à avoir de dunya afin de ne pas occuper son cœur avec l'attachement au bas monde et la convoitise des biens de ce bas monde. Car ceci peut être une cause de la dispersion de ses pensées et de son esprit. Et il n'aura pas la concentration nécessaire dans la demande de science. Car le cœur, quand il s'éloigne de la convoitise de dunya et de l'abondance, il s'éloigne de la quête de l'abondance des biens de ce bas monde et les regrets par rapport à ce qu'il a loupé de cette dunya, ce cœur sera uni sur son objectif et concentré sur son objectif. Et ceci sera plus apaisant pour ce demandeur de science. Et ça sera également plus honorable pour lui et meilleur pour son statut. Et ça diminuera ceux qui le jalousent. Ça revient à un hadith qu'on a vu dans l'Arba'in. Izhad fi dunya yuhibbuka Allah. Wazhad fi ma inda nasi yuhibbuka nas. Donc si il s'éloigne de la convoitise de dunya, il ne se concurrence pas avec les gens dans dunya, dans leurs affaires, ils vont l'aimer. Et ceux qui le jalousent vont diminuer. Les gens en général, ils te jalousent par rapport à dunya. Ils te jalousent par rapport à dunya. Et ceci l'avantagera pour mémoriser davantage et augmenter davantage sa science. Ensuite, il a dit, وَلِذَلِكَ قَلَّ مَنْ نَالَ مِنَ الْعِلْمِ نَصِيبًا وَافِرًا إِلَّا مَنْ كَانَ فِي مَبَادِئِ تَحْصِيلِهِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقَنَاعَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ طَلَبِ الدُّنْيَا وَعَرَضِهَا الْفَانِي وسيأتي في هذا النوع أكثر من هذا في أدب المتعلم إن شاء الله تعالى. Il a dit, c'est pour ça, peu de gens ont eu la science, peu de gens ont eu beaucoup de science, excepté ceux qui sont, comme il a décrit, surtout dans la demande de science, dans le début de la demande de science. Ils sont dans une pauvreté, ils se suffisent du peu et ils se détournent de la convoitise des biens éphémères de ce bas monde. C'est ceux-là qui obtiennent la science en général d'une manière forte et abondante. Et c'est pour ça, c'est rare où tu trouves un riche qui devient un étudiant brillant dans la science. Lui, il parle de quelqu'un qui arrive à un degré élevé dans la science. Ça, en général, ce sont des gens pauvres qui vont y arriver, car ils vont être malgré eux dans ce qu'il a décrit. Et vous savez tous la parole de Abu Hurayra radiallahu anhu, qui a fait de lui ce grand rapporteur de hadith, le plus grand rapporteur de manière absolue. Il a dit, je n'avais ni affaires ni commerce. Il était collé au prophète alayhi salam tout le temps. C'est pour ça, en 3 ans, il a pris du prophète alayhi salam toute cette science. Et c'est rare de lire un hadith sans que tu trouves que le rapporteur est Abu Hurayra radiallahu anhu. En à peu près 3 ans. 3 ans, 4 ans maximum. Radiallahu anhu wa arda. Il peut être riche, mais il est comme il a décrit. Il n'y a pas d'attachement à dunya. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais, où est, sur quel lit je vais dormir? Il n'y a pas cet attachement à dunya. Il se contente de ce qu'il a de disponible. Et son cœur est complètement tourné vers la science. C'est celui-là qui obtiendra une grande part de science. Dans la science, une grande part dans la science. Ensuite, il est passé au 4e adab. Il a dit, أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث ويكره له ما يكرهه لنفسه. Le 4e adab, c'est que le savant doit aimer pour son étudiant ce qu'il aime pour lui-même. Comme ceci a été rapporté dans le hadith. Et ce hadith, on l'a vu également dans l'Arba'in Nawawiya. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. L'un d'entre vous ne croira pas, n'aura pas la foi complète jusqu'à aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et il doit détester pour lui également ce qu'il déteste pour sa propre personne. Il doit aimer pour ses étudiants ce qu'il aime pour lui-même et détester pour eux ce qu'il déteste pour sa propre personne. Il a rapporté une parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit: "Akramu an-nasi 'alayya jalisi alladhi yatakhatta riqab an-nasi ilay, law istata'tu an la yaqa' adh-dhubabu 'alayhi la fa'alt." Wa fi riwaya: "Inna adh-dhubaba la yaqa'u 'alayhi fayu'dhini." Cette parole a été rapportée par Yaqub ibn Sufyan dans son livre Al-Ma'rifa wa Tariq. Et ça a été rapporté par Ibn al-Mubarak dans son livre Zuhd. Et par d'autres savants, par l'imam al-Bukhari dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit: les gens envers lesquels je suis le plus redevable, celui qui enjambe et qui saute et dépasse les gens jusqu'à venir dans mon assise. Yani, parmi ses étudiants. Si je pouvais empêcher les mouches de venir sur lui, je l'aurais fait. Et dans une autre riwaya, quand je vois la mouche venir sur lui, ça me fait du mal de voir cela. Tellement il se voit redevable vis-à-vis de ses étudiants. Et c'est comme ça les savants. Car son étudiant, c'est celui qui prend sa science et qui la propage et qui lui permet de prolonger sa vie en hasanat après sa mort. Et c'est pour ça, vous trouvez, il y a des savants qui ont été préservés par leurs étudiants. Et ils ont pris leur science, ils l'ont propagée partout sur terre. Jusqu'à aujourd'hui, vous entendez leur nom dans les fatwas, dans les avis juridiques, dans les hadiths, tels que l'imam Malik, tels que l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa et d'autres. Mais surtout ces quatre, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé des élèves qui ont pris leur science et qui l'ont propagée après eux. Et il y avait des savants plus grands que ceux-là à leur époque, mais Allah ne leur a pas donné ce rizq qu'il a donné à ses savants. Et ça, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'accorde à qui il veut. Ensuite, il a dit: وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا يكاد يخلو الإنسان منه أو لا يكاد يخلو الإنسان عنه وسوء أدب في بعض الأحيان ويبسط عذره بحسب الإمكان. Également, le savant se doit de veiller sur les intérêts de son élève et de se comporter avec lui comme il se comporte avec le plus aimé de ses enfants, avec tendresse et compassion et pitié vis-à-vis de lui, et bienfaisance et patience sur ses négligences. Et également de patienter face à ses manquements, surtout les manquements où quasiment personne n'est à l'abri de commettre. Et également de patienter face à son impolitesse à certains moments, car personne n'est infaillible. Yani, il a bien précisé son impolitesse à certains moments. C'est pas quelqu'un qui est impoli tout le temps. Mais si c'est quelqu'un qui fait une erreur ou occasionnellement, celui-là, il est demandé de patienter et de fermer les yeux sur son erreur et d'accepter son excuse dans la mesure du possible. Et d'accepter son excuse quand il s'excuse dans la mesure du possible. Bien évidemment, mes frères, il faut comprendre un point très important. Ça, c'est... Il cite ici l'idéal chez l'homme de science, qu'il doit être ainsi. Ça, c'est ce qui est demandé. Mais imaginons que le savant n'est pas comme ça. T'as affaire à un savant, salafi, parmi al-sunnah wal-jama'a, yani une montagne de science, mais il est dur. Ou il a un comportement dur. Il a une nature, yani un peu rude. Et ça existait parmi les grands imams de Salaf. est-ce que tu dois délaisser son assise, comme ils ont dit à, si ma mémoire est bonne, c'est Suleyman ibn Mihran, l'A'mash. Lui ont dit, un tel a quitté ton cours, parce que t'as une dureté. Il a dit, celui-là est un fou. Il délaisse le meilleur de ce que j'ai à cause de la pire chose que j'ai. Il y a cette dureté. L'élève, et ça on va le voir quand on va parler de l'élève, mais j'ai vu opportun de le mentionner ici. C'est pas, ni quand t'entends ça, tu commences à chercher sur terre le savant qui a ses critères. Ça, c'est l'idéal et c'est ce qui est demandé pour le savant. Mais si le savant, il se comporte mal avec toi, il a une dureté des fois, parce qu'il a compris une chose alors que toi, t'as pas voulu cette chose-là, tu dois patienter pour ton bien. Et celui qui ne patiente pas, c'est sa personne qu'il va priver de l'ilm. Toi, t'es venu vers ce savant, du moment que c'est un savant parmi Al-Sunnah al-Jama'a, un savant salafi. T'es venu vers lui pour prendre de sa science. Et si lui, il a un manquement, tu dois pas délaisser sa science à cause de ce manquement qu'il a dans son comportement, ou là dans sa nature. Ensuite, il a dit que le savant, il montre à l'élève la négligence, le manquement ou l'impolitesse qu'il a commis avec douceur et gentillesse, et non pas avec rudesse et réprimande, en voulant avec cela sa bonne éducation, la bonne éducation de l'élève, et d'améliorer son comportement, et de réformer toute son affaire. Et s'il arrive à lui faire parvenir ces choses-là d'une manière implicite, c'est ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas besoin à ce moment-là de lui dire les choses explicitement. Il se contente de lui donner des indications. S'il voit que c'est un élève qui arrive à comprendre de cette manière, mais s'il voit qu'il ne comprend pas, il fait des choses qui dérangent le savant, qui font du mal au savant. Donc il va l'orienter d'une manière subtile et avec délicatesse. S'il voit qu'il comprend pas, à ce moment-là, il lui dit les choses clairement. Regarde, ça, tu ne le fais pas. Ça, ne le fais plus jamais. Ça me dérange. Et ainsi de suite. Mais malgré ça, il lui dit, malgré qu'il lui dise explicitement et directement, il le dit doucement et avec gentillesse également. Mais il va lui dire les choses clairement et directement. S'il voit qu'il ne comprend pas avec yani, qu'on s'est dit d'une manière subtile. Et il doit l'éduquer avec les plus hautes des moralités et l'inciter à avoir les comportements les plus louables et lui recommander de se conformer aux coutumes. Dans la conformité à la législation. Il lui demande de se conformer aux coutumes. Vous savez que se conformer aux coutumes du pays dans lequel tu vis est une sunna. On parle du pays de l'islam. Bien évidemment, quand tu parles de pays de kofr, toutes les règles, il y a des nouvelles règles. Tout change. Comme disait Cheikh Al-Albani rahimahullah quand il était interrogé sur des questions concernant des pays de mécréance, il disait que la base est mauvaise. La base est mauvaise. Yani, c'est pour ça, yani, le savant a besoin de faire plus d'efforts. C'est pas comme les règles dans le pays de l'islam. Dans le pays de l'islam, tout ce que tu trouves, c'est halal. Dans le pays de l'islam, toute personne que tu crois, c'est un musulman. Tu lui passes salam. Et ainsi de suite. Dans le pays de l'islam, on se conforme aux coutumes des gens. Et on respecte les coutumes des gens sauf si ces coutumes s'opposent à la religion. Par exemple, il y a dans certains pays la coutume, c'est que quand tu vois ta cousine, tu lui serres la main. Et si tu lui serres pas la main, il voit ça comme déplacé, comme impoli. Tant pis qu'il le voit ainsi. Allah, il voit ça comme une adoration, Allah aime ça. Et ça, c'est contraire à la religion. Donc, on respecte pas cette coutume. Mais sinon, de manière générale, respecter les coutumes du pays dans lequel tu vis et dans un pays qui s'habille et ni d'une manière conforme à la religion. Pour les hommes, s'habiller comme eux, c'est le mieux pour toi. Mais si leurs tenues vestimentaires ne sont pas en conformité avec la religion, il ne faut pas les suivre, bien évidemment. Allez, tu vas dans certains pays maintenant d'islam, tu vas trouver que les hommes et les femmes ont inversé les rôles. Toujours par rapport à la tenue vestimentaire. Tu vas trouver que la femme, elle porte là-bas mi-jambe. Tu vois son mollet. Et tu vas trouver que l'homme va traîner ses vêtements, il va balayer le sol, il va traîner ses vêtements en dessous de ses chevilles. Et normalement, ce qui doit aller dans la religion, c'est l'inverse. La femme, elle laisse traîner ses vêtements. L'obligation pour elle, c'est que le vêtement arrive au niveau du sol exactement. Après, c'est recommandé pour elle de laisser un empan de plus, jusqu'à deux empans de plus. Traîner le vêtement, et le vêtement, il se salit pas. Le vêtement, il se salit pas, car la terre, même si elle passe sur une impureté, la terre nettoie l'impureté. La terre nettoie l'impureté. Et l'homme, la sunna pour lui, c'est de porter son vêtement jusqu'à la mi-jambe, et c'est autorisé pour lui jusqu'à la cheville, au-dessus de la cheville. Ça, c'est par rapport à ce quatrième adab. Ensuite, il est passé au cinquième. Il a dit أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه. Le cinquième adab, c'est de lui permettre et de lui donner son cours dans une simplicité, de lui dispenser le cours avec une simplicité et d'utiliser la douceur quand il lui fait comprendre les éléments du cours. Surtout si cet élève a les aptitudes pour cela, à cause de son bon comportement et sa bonne et son effort dans la demande de science. S'il voit le bon comportement de l'élève et son effort dans la demande de science, il doit lui accorder plus d'attention en faisant plus d'efforts à lui faire comprendre et lui exposer la science de la manière la plus simple possible. Également, il l'incite à retenir les leçons qu'il tire des textes et de les mémoriser. Et il ne doit pas cacher de lui ni la science qui lui demande. S'il voit qu'il est habilité à prendre cette science. Car il y a des sciences qui peuvent dépasser son niveau. Comme ils disent, la nourriture des grands est un poison pour les petits. Donc il faut qu'il lui donne la science adéquate à son niveau, à son âge, à ses capacités intellectuelles, à ses facultés de mémorisation et ainsi de suite. Donc s'il lui demande une science et qu'il est capable de lui dispenser, il le fait. S'il voit qu'il est habilité. il ne doit pas se refuser à cela, car ça peut l'écarter de lui et créer comme une répulsion dans son cœur à son égard et l'éloigner de cet homme de science. Également, il ne doit pas lui donner les sciences auxquelles il n'est pas encore préparé, car ceci ne va faire qu'éparpiller son esprit et disperser sa compréhension. Et ça, Daniel, comme exemple que j'ai déjà entendu, des frères qui commencent dans l'apprentissage, il achète Fath al-Bari, commence à lire. Il n'a jamais étudié l'Arba'in Nawawiyya, il n'a jamais étudié Amdat al-Ahkam, il n'a jamais étudié Bulugh al-Maram, et ainsi de suite. Dans la science, il faut aller graduellement. Revenir vers un grand livre dans une mas'ala particulière, il n'y a pas de mal. Mais il faut respecter l'ordre de priorité dans la demande de science, que ce soit entre les sciences et dans la même science. Dans une seule science, il y a des ordres de priorité qu'il faut respecter. Et ensuite, il a dit, si l'étudiant lui demande une science, comme ce qui a été cité précédemment, une science à laquelle il n'est pas encore préparé, et son niveau ne lui permet pas de l'acquérir, alors il a dit, il doit lui éviter cette science-là, et lui faire comprendre que ceci va lui nuire et ne lui sera pas profitable. Et qu'il lui refuse cette science uniquement par pitié à son égard. Yani pour ne pas lui faire du mal. Et non pas par avarice, qui veut cacher cette science ou ne pas lui donner. Il lui donne pas parce qu'il n'est pas habilité à l'apprendre et qu'il faut respecter les ordres de priorité dans la science. Et ensuite, il l'incite à doubler d'efforts dans l'apprentissage et dans l'acquisition de la science jusqu'à arriver au niveau qui lui permet d'acquérir cette science qu'il a demandée et que ce jour-là, il va lui donner cette science. Et c'est pour ça qu'ils ont dit dans l'explication de l'alim al-Rabbani. L'alim al-Rabbani. Ils ont dit العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. Donc العالم الرباني, comme ils disent en français, ils disent les savants soumis au Seigneur. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Les savants soumis au Seigneur, c'est comme ça ils traduisent, mais en réalité c'est le grand savant. L'alim al-Rabbani, c'est le grand savant qui se conforme au livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wa salam. C'est qui ce alim al-Rabbani, comme ça a été rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Ils ont dit c'est celui qui enseigne aux gens les petites questions de la science avant de leur enseigner les grandes questions de la science. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, c'est celui qui leur enseigne les questions de base de leur religion avant de les faire rentrer dans les questions minutieuses. Il commence par les questions fondamentales, primordiales, dont ils ont besoin pour rectifier leurs croyances, pour rectifier leur adoration. Ils commencent par cela, leur enseigner tawhid, leur enseigner la purification, leur enseigner la salat, l'adhan, l'iqama, et ainsi de suite. C'est pas il les fait rentrer dans la politique. Ou il les fait rentrer dans des choses, peut-être que ça ne fait même pas partie de la science et que ça devient son sujet favori. Donc ça, c'est l'alim al-Rabbani. Alhamdulillah, si vous voyez nos savants, ce qu'ils enseignent, vous voyez qu'ils ont cette caractéristique, alhamdulillah. Ils commencent par enseigner aux gens leur aqida, de quoi réformer leur aqida, leur croyance, et ensuite la salat, et ce qui est lié à la salat, la tahara, l'odo, le ghusl, le tayammum. Ensuite, il est passé au sixième adab. Il a dit, an yahrisa ala ta'limihi wa tafhimihi. أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه. Le sixième adab que se doit d'avoir le savant avec ses élèves, c'est de veiller à leur enseigner et à leur faire bien comprendre les choses en faisant les efforts, en fournissant les efforts nécessaires et en rapprochant le sens au maximum, sans détailler trop un point que sa compréhension ne supportera pas. Ne pas détailler un point qui dépasse sa compréhension, mais de lui expliquer, de lui rapprocher les sens et de les rendre faciles et accessibles. Mais s'il voit que parmi ses élèves, il y en a qui sont brillants et qui ont une forte compréhension, il n'y a pas de mal à leur détailler davantage. Et il doit espérer la récompense d'Allah à leur répéter le même cours ou la même faïda plusieurs fois, s'il y a besoin. Il ne doit pas se lasser. C'est bon, je l'ai dit une fois, je ne le répète pas. S'il voit le besoin de répéter, il le répète. Et comme je vous ai dit l'histoire de Rabi' ibn Sulayman al-Muradi, l'élève de l'imam Shafi'i. Cet élève, l'imam Shafi'i l'aimait énormément. Il avait l'adab, mais il avait une lourdeur dans la compréhension et une difficulté dans la compréhension dans son début d'apprentissage. Il avait beaucoup de difficultés, pas seulement une petite difficulté. Ça, c'est normal dans le début de l'apprentissage. On fait des efforts et après, Allah nous facilite. Mais lui, il avait une difficulté qui se faisait remarquer par les gens. Et l'imam Shafi'i, il pouvait lui répéter le même cours, la même faïda, une dizaine de fois et plus encore. Jusqu'à ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu dans la science, cet homme. Il est devenu Al-Rabi' ibn Sulayman al-Muradi, celui, un des plus grands élèves de l'imam Shafi'i qui ont propagé sa science. Un de ceux qui ont propagé la science de l'imam Shafi'i. Malgré qu'il ne fait pas partie des plus grands dans l'âge des élèves de l'imam Shafi'i, mais c'est parmi ses élèves qui ont propagé sa science. On voit la patience de l'alim avec l'étudiant. Donc il a dit, il commence par lui expliquer la question qui est étudiée. On parle par exemple de tayammum, il lui explique globalement ce que c'est tayammum. Et ensuite il commence à lui détailler en donnant des exemples et en citant des arguments. Et il se limite à cela pour l'étudiant débutant. Et pour ceux qui ont la capacité, il peut s'étaler dans les arguments et dans le détail de cette question et même rentrer dans les divergences et leur montrer ce qu'il connaît parmi les secrets de cette législation et parmi les sagesses de cette législation. Et de citer les autres branches de la religion qui sont en lien avec cette mas'ala, également les fondements de la religion qui sont en lien avec cette mas'ala, et de leur citer l'homme de science qui a fait une erreur ou qui s'est trompé par rapport à cette mas'ala. Et subhanallah, écoutez bien une faïda, notez-la bien, c'est une faïda précieuse ici qu'il a citée. Donc quand il a parlé de leur citer l'homme de science qui est tombé dans une erreur par rapport à cette mas'ala, il a dit, il leur cite cela avec la plus belle des formules et des expressions. Il choisit ces mots pour montrer l'erreur de ce savant. Et il cite l'erreur d'une manière très loin à manquer de respect à ce savant et ou à le minimiser. Et bien évidemment, là on parle de savant de Al-Sunnah wal-Jama'a. Si tu viens pour montrer à tes élèves l'erreur de Sheikh Ibn Baz rahimahullah dans une mas'ala, si on suppose qu'il y a une erreur dans une mas'ala, et personne n'est à l'abri de cela, de toute façon. Mais ça, je le vous cite à titre d'exemple. Imaginons Sheikh Al-Albani, Sheikh Al-Uthaymin, Sheikh Rabi' et ainsi de suite parmi nos grands savants. Il a un avis que toi tu vois qui n'est pas conforme. Toi qui es pas talib ilm, tu vois qu'il n'est pas en conforme à la sunna et que l'avis d'un autre savant est plus fort. Donc il n'y a pas de mal à montrer cela. Mais avec l'adab que tu dois avoir. Par exemple, tu commences, l'anna, pourquoi il cite ça? Car si tu parles à des débutants de l'erreur de l'imam al-Albani par rapport à une mas'ala, l'authentification d'un hadith, ou le fait d'avoir rendu faible une chaîne de transmission, les débutants en général, ils ne comprennent pas. Et si tu parles avec une dureté et tu réfutes avec une grande force, peut-être qu'ils vont comprendre que ce savant est sorti de l'islam ou que ce savant est tombé dans une grande innovation ou un grand égarement. C'est pour ça qu'il faut choisir ces mots et montrer le statut de ce savant et montrer, aller leur enseigner que personne n'est à l'abri de l'erreur. Mais quand on montre l'erreur d'un savant salafi, ce que nous on considère comme une erreur, ça peut ne pas être une erreur. On le montre en choisissant nos mots et de la meilleure des façons et en montrant le mérite de ce savant. Et c'est pas parce que j'ai trouvé une erreur que je suis devenu plus grand que lui dans la science. Peut-être que je l'ai dépassé dans cette mas'ala, mais lui, il me dépasse dans le reste de la religion. Donc ça, c'est un adab qui est très important. Après, il faut savoir qu'il y a des questions dans lesquelles la divergence est tolérée. Donc quand tu montres l'avis que tu as choisi par rapport à une question dans laquelle la divergence est tolérée, tu ne vas pas parler comme une question dans laquelle la divergence n'est pas tolérée. En tout cas, quand on montre l'erreur d'un homme de science parmi nos savants, c'est pas n'importe qui la montre, déjà. Et deuxièmement, on la montre avec adab et avec respect. Et l'erreur doit être rejetée de toute façon. Et ensuite, il a dit « وَيَقْصِدُ بِبَيَانِ ذَلِكَ الْوَهَمْ طَرِيقَ النَّصِيحَ » Et quelle est l'intention avec laquelle il montre cette erreur dans laquelle est tombé ce savant dans cette mas'ala qu'il est en train d'expliquer à ses élèves? L'intention, c'est de porter conseil à la religion en la préservant de l'erreur, porter conseil à ce savant qui est tombé dans l'erreur afin que les gens ne le suivent pas dans cette erreur, et porter conseil à ses élèves en leur montrant ce que lui voit comme la vie le plus juste. Et ensuite, il a cité un point important. Il a dit, des fois, quand le savant a besoin d'expliquer à son élève une chose et que il ne trouve pas autre moyen pour lui expliquer que de citer un mot duquel les gens se gênent en général. Il a dit, si il n'a pas autre recours, il n'y a aucun mal à lui citer ce mot avec lequel il va comprendre, car sinon il ne va pas comprendre. Mais si jamais il peut comprendre en citant cette chose-là de laquelle les gens se gênent, en la citant d'une manière implicite et indirecte, c'est ça qu'il faut faire. Mais dans le cas où il voit que l'élève ne comprend que quand il cite directement la chose d'une manière explicite, à ce moment-là, il ne doit pas se contenter de l'kinaya, de citer la chose implicitement. Il doit la citer explicitement. Mais si jamais il y a dans l'assise quelqu'un devant lequel il ne convient pas de citer ce mot, parce que c'est quelqu'un de très pudique, ou c'est de quelqu'un de rude, il risque de mal se comporter quand il entend le savant parler avec ce mot. À ce moment-là, il doit ne pas citer ce mot-là. Il doit se contenter de dire la chose implicitement. Et c'est pour ça, il a dit, que vous trouvez chez le prophète, alayhi salatu wassalam, que dans des situations, il a parlé avec des termes implicites. Par exemple, quand il parle de l'aura, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est dans le Coran, Allah Azza wa Jal toujours décrit l'aura d'une manière implicite. Mais il y a des fois où le Nabi alayhi salatu wassalam a eu recours à la cité d'une manière directe, parce que le contexte imposait de la cité d'une manière directe. Donc, voilà pour ce sixième adab sur lequel on va s'arrêter bi'idhnillah, et les restes de ces 14 adabs, nous allons les faire dans le cours prochain bi'idhnillah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته